Juste les faire bouger. On va pas se dire que tu n'es pas un peu, on va te raccourir. Que d'être une vieille salope, c'est dans la femme, c'est dans l'esprit.